Bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marchenant, je serai avec vous pour la prochaine heure en cette édition du 16 avril 2009. Vous êtes à l'écoute des ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Alors, chers amis, cette semaine, nous avons une émission qui va être assez axée sur les nouvelles de l'actualité, les nouvelles internationales. Nous achevons maintenant la saison hiver. Nous allons terminer à la fin du mois et puis après ça, nous allons prendre une petite pause, une relâche et on sera de retour pour l'été. Soyez tout le temps à l'écoute de Choc FM et puis de L'Autre Monde pour avoir vos nouvelles les plus importantes de la semaine sans détour et sans omission, quoi. Donc, on vous parle des affaires les plus importantes pour vraiment avoir une bonne compréhension de ce qui se passe dans notre monde, pour ensuite avoir une meilleure idée de quelle action qu'on a besoin de poser. Alors, nous sommes ici pour, comme je disais en début d'émission, pour stimuler votre réflexion aussi, pour vraiment y apporter la nourriture nécessaire pour mieux définir et se comprendre et comprendre dans le monde qui nous entoure. Alors, voilà, donc nous allons aborder premièrement les nouvelles du monde, les nouvelles générales. Et avant de débuter, je vais juste vous inviter à une conférence qui va se passer à Montréal, qui est organisée par le Mouvement montréalais pour la vérité sur le 11 septembre. Et puis, nous avons le plaisir de recevoir Richard Cage du groupe Architectes et les ingénieurs pour la vérité sur le 911. Donc, ça va se passer le 18 avril. L'admission seulement de 10 $. Et ça va se dérouler au Centre Saint-Pierre, au 1212 rue Panay, Montréal, qui se trouve être le métro Baudry, à 19 h. Vous pouvez aussi réserver vos billets d'avance, car il n'y a seulement que 225 places de disponibles. Alors, vous allez retrouver sur le site Les Nouvelles Internationales, qui est en lien avec la page de L'Autre Monde, l'adresse Internet pour vous informer puis réserver les sièges. Alors, je vous invite évidemment à aller voir cette conférence de M. Richard Cage, qui est membre de l'American Institute of Architects et puis qui a pratiqué le métier d'architecte pendant 20 ans et travaillé sur plusieurs types de constructions, incluant de nombreux édifices de structures d'acier résistants au feu. Et en mars 2006, M. Cage fonda le groupe Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 911, dont votre humble serviteur fait partie aussi. Donc, je suis Je suis inscrit à ce groupe d'architectes et d'ingénieurs qui, sans tomber dans la spéculation, ne fait que parler de l'aspect bâtiment. Donc, on vous parle de notre point de vue professionnel. Que c'est évidemment ces trois bâtiments-là qui se sont écroulés le jour du 11 septembre 2001 n'étaient pas évidemment l'œuvre des avions qui se sont écrasés dedans, dont surtout le World Trade Center numéro 7, qui lui n'a même pas été frappé par aucun avion et s'est écroulé comme les deux autres à la vitesse de la chute libre, dans le chemin de la plus haute résistance structurelle et puis exactement dans leur empreinte. Alors, vous comprenez que ce sont des démolitions complètes, sans aucune résistance. Dans le chemin de la plus haute résistance. Et puis, vous savez que vous avez environ 90 000 tonnes de béton et d'acier qui ont été pulvérisés carrément, et puis même du béton qui a été tourné en l'état de lave, donc du béton fondu. Donc, vous savez, la semaine passée, j'avais parlé de l'importante nouvelle qu'on a trouvée des résidus encore actifs et non réagis de termites. Donc, en français, on dit termites, là, mais ce n'est pas les termites là, qui mangent le bois, là, c'est termites avec TH. Alors, en anglais, on dit termite, mais là, c'est en fait une variété de super termite, c'est-à-dire que avec les analyses qu'on a faites, on a fait plusieurs analyses très importantes là, et puis vérifiées par les pairs, on a trouvé des fragments de termite qui étaient dans les poussières du World Trade Center. Et puis la termite, c'est quoi? Ben, c'est ce qui est utilisé justement dans les contrats de démolition contrôlée de bâtiments. Alors, c'est un produit incendiaire et pyrotechnique qui s'allume à très haute température, c'est-à-dire qu'il brûle à une très haute température, au-dessus de 3000 degrés Celsius, et puis ça coupe à travers de l'acier comme d'un couteau chaud dans du beurre. Et maintenant, nous avons la preuve scientifique vérifiée, publiée dans une magazine, dans un magazine scientifique. Nous avons maintenant la certitude qu'on avait du termite là-bas, donc des explosifs et puis incendiaires. Et c'est ce qui est typiquement utilisé dans les jobs de démolition contrôlée. Et c'est ce que le groupe aussi de maintenant pas loin de 650 architectes et ingénieurs vous confirme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas possibilité pour un bâtiment, autrement que par démolition contrôlée, d'être amené à terre, d'être effondré d'une façon pareille que celle qui s'est passée le jour du 11 septembre. Donc, croire à la version officielle du gouvernement, colportée par les grands médias, c'est croire que les lois de la physique et puis de la chimie, puis tous nos calculs d'ingénierie puis d'architecture n'ont pas fonctionné cette journée-là, surtout les lois physiques, imaginez. Pour affirmer que la version officielle soit véritable, il faut affirmer que le jour du 11 septembre 2001, les lois de la physique et puis de la chimie ont cessé de fonctionner de façon normale et puis ont repris le cours normal la journée d'après. Donc, évidemment que c'est une situation assez difficile à soutenir. Et si vous avez besoin de plus d'informations sur ça, allez consulter le site des Sept du Québec et puis vous allez retrouver un article cette semaine que j'ai publié qui s'appelle Termites actives trouvées par des scientifiques dans la poussière du World Trade Center. Alors, vous avez évidemment tous les liens nécessaires. Vous pouvez aller télécharger aussi là, le document là, du site là, puis vous allez être capable de trouver le rapport scientifique qui est téléchargeable en PDF, ayant passé l'évaluation par des pairs qui a été publié dans la revue de Open Chemical Physics Journal au début du mois d'avril. C'est évidemment très important parce que ça vient de défaire la version officielle du gouvernement et puis on s'aperçoit que finalement ce que le mouvement pour la vérité sur le 9-1 qui a été passé trop souvent pour des fous, des conspirationnistes, des affaires comme ça, avait une fois de plus raison. Et maintenant, nous avons toutes les raisons nécessaires et puis les preuves nécessaires pour passer à l'action. Il faut absolument s'occuper de régler, de fermer ce dossier-là de façon concluante et honnête, ouverte, avec toutes les preuves qui n'ont pas été encore révélées. Vous savez que le gouvernement puis le Pentagone ont encore énormément de vidéos, d'informations, toutes sortes de données qu'on n'a pas rendues publiques. Alors, la vérité sur le 9-1, c'est qu'on ne sait pas tout et puis le gouvernement a opéré un cover-up bien évident, surtout que vous savez que les deux grandes commissions d'enquête, celle de 9-1 et puis celle après ça du NIST, ont menti carrément parce qu'on n'a même pas utilisé les vrais plans des World Trade Center pour expliquer leur effondrement. On a en fait omis de présenter une soixantaine de colonnes d'acier très importantes au cœur même du bâtiment. Alors, si vous lisez la commission d'enquête sur le 9-1, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'on a carrément falsifié les plans des bâtiments. Alors, on se demande bien pourquoi qu'on ferait de telles affaires. Et puis, dans l'article que j'ai publié, Vous allez aussi trouver une vidéo YouTube sur laquelle vous allez entendre une puissante explosion. Alors, évidemment que le son est très clair et puis c'est évident qu'il y avait des explosions qui ont eu lieu dans ces tours-là. Et vous avez d'ailleurs aussi d'autres groupes comme les Firefighters pour la vérité sur le 911, donc les pompiers pour la vérité pour le 911, qui se sont mis ensemble, évidemment, des pompiers qui ont travaillé sur la scène du crime. Et puis, on a entendu, on a été témoin de la part de ces pompiers-là d'explosions massives, même à la base des tours, alors que le haut commençait même pas encore à déjà s'écrouler. Alors, de sérieuses évidences comme ça, des sérieux témoignages qu'on a ignoré et puis qu'on n'a même pas inclus dans ces fameuses enquêtes, entre parenthèses, sur le 911. Vous avez aussi un autre groupe de pilotes d'avion. OK, eux autres, souvent les pilotes d'avion, ce qu'ils ont à dire, c'est que les manœuvres qui ont été faites cette journée-là, surtout celles autour du Pentagone, le genre de virage à 360 degrés, là, avec une élévation, là, donc là, vous avez l'avion qui est descendu là, très, très abruptement de la haute altitude, et puis vous savez que la plupart des pilotes qui sont juste, comment je dirais, intéressés à étudier cette histoire-là, vont se rendre compte que ces manœuvres-là étaient carrément impossibles ou quasiment impossibles. On a dit que probablement que le meilleur pilote de toute l'histoire des États-Unis aurait eu une fine chance d'être capable d'y arriver. Donc, imaginez si vous avez des supposés arabes, tu sais, qui avaient suivi des cours de pilotage dans des avions Cessna en Floride et puis qui avaient été recalés parce qu'ils étaient trop mauvais. Alors, on se demande de quelle façon que ces supposés pilotes-là auraient pu entreprendre de telles manœuvres avec des gros Boeing 747 qui sont encore plus difficiles à piloter qu'un avion de chasse. Alors, ça, c'est des nouvelles absolument intéressantes. Et puis là, vous avez le chef, si vous voulez, le fondateur du groupe pour les architectes et ingénieurs pour la vérité sur 911, qui s'en vient à Montréal, qui va donner une conférence. Et puis ça va être très intéressant. J'ai vu plusieurs vidéos de Richard Cage. Et puis, si vous vous donnez la peine d'en voir un ou d'aller le voir en conférence, je suis persuadé que vous allez repartir soit avec des questions très sérieuses à l'esprit, ou vous allez être tout simplement convaincu par le poids des évidences et des preuves qu'évidemment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec la version officielle, qu'on nous a menti, qu'évidemment, ces tours-là ne se sont pas écroulés à cause de l'impact des avions et puis à cause du feu qui s'en est suivi, qui, il faut le dire, 75% de la boule de feu brûlée à l'extérieur du bâtiment et non à l'intérieur. Donc, voilà quoi, ça c'est probablement une conférence très importante à aller voir. Et puis pour venir encore plus, si vous voulez ébranler vous savez, il y a encore plusieurs personnes qui pensent que la version officielle est celle qui est la vérité. Et vous savez, il suffit de simplement consulter les nouvelles, vous allez voir différentes nouvelles très très importantes et puis qui risquent d'ébranler vos certitudes si vous pensez encore que la version officielle, évidemment que le gouvernement n'aurait pas pu mentir. Vous savez, l'administration Bush qui s'est fait prendre avec au-dessus de 600 mensonges pour partir la guerre en Irak. Et après ça, on se demande pourquoi cette administration criminelle aurait soudainement raconté toute la vérité à propos du 911. Alors, vous avez beaucoup plus de nouvelles importantes pour venir évidemment ébranler cette certitude que le gouvernement aurait simplement donné la vérité à toutes les gens lors du 911. Et là, vous avez carrément des personnes qui ont travaillé sur la commission pour le 911, comme John Farmer, qui vient d'écrire un livre et qui a publié un article cette semaine, qui dit que le gouvernement s'est mis d'accord pour ne pas raconter la vérité à propos du 911. Et ceci vient faire écho à d'autres assertions de différentes personnes qui ont participé, qui étaient membres à la commission du 911, qui en sont venus à la conclusion que le Pentagone s'était engagé dans la voie si vous voulez, du mensonge, du cover-up délibéré à propos de leur réponse des attaques là, sur le 911. Donc, vous savez que ça, ces personnes-là ont travaillé carrément sur les commissions pour le 911. Et puis ça, c'est le livre qui a été publié et que c'est en fait la version finale officielle du gouvernement, qui maintenant commence à craquer, à présenter des fissures vraiment aberrantes pour les gens qui croient encore à la version officielle. Parce que là, vous avez des gens qui étaient carrément sur la commission et puis qui viennent vous dire publiquement que le gouvernement s'était mis d'accord avec le Pentagone pour vous mentir, pour ne pas vous rapporter la vérité et puis pour opérer ce cover-up. Donc, chers amis, allez voir ces nouvelles-là. C'est probablement ce qu'il y a de plus important, allez voir cette semaine. Vous savez que justement, cette ancienne administration Bush en était une qui était criminelle, une entreprise criminelle au plus haut niveau, responsable de crimes de guerre et de pour avoir autorisé la torture et pour avoir menti pour partir des guerres d'agression. Et bonne nouvelle, du côté de l'Espagne, nous avons des procureurs qui vont maintenant probablement annoncer des charges criminelles contre Alberto González et cinq hauts fonctionnaires de l'administration Bush pour avoir autorisé la torture à Guantanamo et dans les autres prisons secrètes qui ont été opérées par la CIA puis l'armée américaine. Donc, c'est une décision qui risque d'être annoncée cette semaine devant la Cour criminelle centrale de l'Espagne qui s'appelle Audiencia Nacional à Madrid. Donc, voilà une nouvelle très intéressante aussi, en espérant que tout ceci débloque sur évidemment des mises en accusation et puis après ça qu'on arrive à faire appliquer la justice à tout le monde, donc qu'on retrouve ces personnages en prison et puis qu'on ne s'arrête pas là. Vous avez aussi Bush et puis Cheney qui méritent d'y aller. Vous avez Rumsfeld, Madame Rice, toute cette gang de clowns-là qui ont menti puis qui ont parti des guerres d'agression criminelle dans le monde et qui sont très responsables au minimum du cover-up des histoires sur le 911. Il y a les Palestiniens qui demandent au Canada d'annuler une exposition d'anciens parchemins qui ont été trouvés, qu'on appelle les parchemins de la Mer Morte, et qui ont été apparemment volés par Israël des Palestiniens, donc du territoire des territoires palestiniens. Et on demande au premier ministre Stephen Harper d'intervenir et puis d'annuler cette exposition qui devrait s'ouvrir au mois de juin au Musée royal de Toronto. Donc, c'est une histoire assez intéressante aussi. On s'aperçoit qu'on a banni la venue de M. Galloway au Canada parce qu'on a dit qu'apparemment M. Galloway était un élément, une menace pour la sécurité nationale du Canada, alors que M. Galloway était simplement un personnage politique qui a aidé les Palestiniens et on l'a accusé d'avoir rencontré certains militants du Hamas alors que vous savez que le Hamas a été élu démocratiquement par les Palestiniens et que c'est les États-Unis et puis Israël qui refusent de les reconnaître. Ils ont même classé comme étant une organisation terroriste, hein, cette grande famille des terroristes. Israël qui a ravagé la bande de Gaza durant son attaque de 22 jours. Et vous savez qu'évidemment que c'est Israël aussi qui est en contravention de plus d'une centaine de résolutions de l'ONU et qu'on ne fait toujours rien au niveau mondial pour faire quoi que ce soit contre l'État d'Israël. Et puis, on vole même des parchemins comme ça du territoire palestinien. Et puis, ici au Canada, on se permet de les exposer, de les présenter et on ne considère pas le fait qu'ils ont été obtenus de façon criminelle. Donc, une autre histoire à suivre. En Europe, on apprend que l'Internet est de plus en plus populaire et puis qui est en train de prendre le dessus de la télévision. On parle probablement d'une marge de 14 mois. Et d'ici 14 mois, on devrait avoir l'Internet qui pourrait représenter une source plus importante pour les nouvelles que les Européens consomment, donc plus importante que les médias télévisés. Ça, c'est aussi très important. Vous savez que l'Internet est de plus en plus la source première d'information pour les populations de différents pays. On parle de l'Angleterre, des États-Unis et de différents pays en Europe comme la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, la Suisse, le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas, la Finlande. Vous avez aussi la Turquie, le Gibraltar, le Cyprus et puis la Grèce. Donc, vous voyez que les gens commencent à comprendre la vérité et que ce qui se passe, c'est que les médias nous ont menti autant que les gouvernements pour les événements les plus importants des 10 dernières années, probablement aussi avant ça. Mais vous avez eu des événements tellement importants comme la guerre en Irak, le 9-1-1, des événements comme les attaques terroristes à Londres, aussi celles de Madrid, et qu'on a tout le temps blâmé des faux ennemis comme l'Al-Qaïda et puis Bin Laden, alors qu'on a toutes les preuves concluantes que ces attaques-là, ces fausses attaques terroristes-là étaient de ce qu'on appelle du false flag terrorism, donc des attaques terroristes qu'on blâme sur des faux ennemis, mais qui sont perpétrées par soit les services secrets ou des éléments criminels des gouvernements des pays concernés. Donc ça, c'est évidemment de quoi qui a fait comprendre à beaucoup de gens de la population de plusieurs pays du monde qu'on se faisait mentir autant par les médias que par les gouvernements. Et on s'est aperçu que la vérité, ou du moins, en tout cas, les gens qui étaient intéressés à chercher la vérité étaient sur Internet. Et donc, vous avez de plus en plus de personnes qui se sont tournées vers l'Internet pour leur source première d'information. Vous avez Goldman Sachs qui a d'ailleurs engager une firme d'avocats pour essayer de fermer un site d'un blogueur aux États-Unis. Donc, vous avez un dissident blogueur qui est extrêmement critique de la banque d'investissement de Goldman Sachs pour ses différentes pratiques nébuleuses et carrément scandaleuses. Et vous savez que Goldman Sachs, maintenant, va utiliser son pouvoir et puis ses fortunes pour essayer de fermer un blog. Donc, une autre preuve aussi que les blogueurs dérangent énormément, c'est évidemment là où on retrouve, comme je vous disais, l'information qui est la plus importante, où c'est qu'on est capable de pouvoir retrouver toutes les pièces du casse-tête pour reconstituer cette vue générale, cette vue d'ensemble qui manque tellement dans les médias, où on vous présente la moitié des fausses nouvelles, des manipulations, de la désinformation, et puis d'autres morceaux de nouvelles détachés pour que vous ne soyez pas capable de tout mettre ça ensemble et puis vous représenter une vue logique et puis réaliste de ce qui se passe dans le monde. Donc, ça, c'est des actions encore qui parlent vraiment beaucoup par eux-mêmes. Aux États-Unis, il y a un autre scandale qui continue de faire des ravages et puis c'est de la façon qu'on traite les vétérans qui sont justement partis dans cette guerre illégale et criminelle contre l'Irak. Vous avez ces vétérans-là qui reviennent aux États-Unis, qui sont maganés, traumatisés, des gens ont perdu des membres, plus capables de fonctionner. Et vous avez le gouvernement qui, même Obama, qui essaie de couper le plus possible dans les coûts. On ne veut pas prendre soin de ces vétérans-là. En fait, la plus grande partie des sans-abri aux États-Unis sont des vétérans. Imaginez, les vétérans qui finissent dans la rue comme des sans-abri en revenant de la guerre. Il n'y a rien de plus honteux que ça. C'est absolument débile de prendre la vie des gens comme ça, des envoyer dans des faux conflits en leur faisant croire que ces gens-là se battent pour la patrie, qu'ils sont des patriotes et reviennent maganés, atrophiés, handicapés, traumatisés à vie. Et le gouvernement ne veut même pas en prendre soin. En fait, on a même demandé de la part de l'armée au personnel médical de descendre, si vous voulez, les diagnostics des soldats. Donc, les descendre dans le sens qu'on va essayer de les rendre à un niveau moindre qui vont justifier moins d'investissement et moins de dédommagement de la part du gouvernement dans un effort de sauver de l'argent, donc d'épargner et de ne pas accorder des bénéfices à ces vétérans de guerre-là. Donc, imaginez de la façon que ces gens-là pensent, OK, donc à l'armée et puis dans le gouvernement. Donc, on prend la vie de des jeunes américain qu'on envoie à la boucherie, puis après ça, on fait tout. On essaie même de mentir sur leur dossier médical en essayant de rendre leurs blessures et puis leur situation plus bénigne qu'elles le sont réellement pour essayer de les faire passer comme des soins normaux dont le gouvernement n'a pas besoin de défrayer les coûts. Alors, vraiment, là, la honte totale aux États-Unis. En Europe encore, on a une autre histoire par rapport à l'Internet, à savoir comment qu'on va accumuler vos données personnelles et puis aussi vos appels téléphoniques. Donc, on veut partir une nouvelle banque de données qui va couvrir probablement la grandeur de l'Europe et on va essayer de tout mettre en banque et puis garder, sauvegarder pendant le plus longtemps possible tous les détails des utilisations de vos courriels, des appels téléphoniques. Donc, encore des tactiques de Big Brother qui s'installent de plus en plus en Europe. Ensuite, dans la branche de Big Brother, aux États-Unis, on a parti un nouveau programme qui s'appelle Text Tip. OK? Donc, on va faire en sorte que les étudiants deviennent un peu comme des taupes. OK? Donc, des petits espions en miniature et qui, s'ils voient quelque chose de suspect, on envoie un petit message, un numéro qu'on a distribué aux différentes écoles. OK? Donc, aux étudiants là-bas. Qui sont reliés avec le service de la police. Donc, on va essayer de gagner de l'information du terrain de la part des étudiants comme ça. Très intéressant de voir comment qu'on va tourner les jeunes en espions. Si vous n'êtes pas au courant de l'histoire, c'est exactement ce que l'Allemagne nazie a fait avec les Stasi. C'est la même affaire qu'on a faite en Russie sous Staline. On essaie de tourner les gens en espions. Donc, toute la population devient méfiante l'un envers l'autre et puis on se dénonce l'un l'autre. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on réussit à instaurer un climat de peur totale parce qu'on se sent espionné. Donc, tout le monde arrête de parler. On essaie de couper à ce moment-là le flot d'informations et le flot de cohésion sociale qui fait en sorte que la population pourrait placer le blâme à la bonne place, c'est-à-dire le gouvernement et puis ses différentes agences qui en découlent. Au contraire, de se diviser et de s'attaquer l'une et l'autre et puis de finalement laisser le champ libre aux vrais tyrans, hein, donc aux vrais criminels qui sont à la tête de la société. Donc, ça, c'est de quoi de très important aussi à consulter et puis à comprendre aussi de façon très claire là, de comment qu'on opère pour essayer de diviser la société américaine et puis bientôt aussi au Canada. Donc, c'est toutes ces petites mesures-là qui font en sorte qu'on est en train de mettre en place cet état policier-là, cette paranoïa sociale-là. Et c'est très néfaste, donc il faut absolument exposer ces nouvelles-là pour bien comprendre comment que cela fonctionne. Une nouvelle qui a été publiée par le Times Online en Angleterre, des enfants qui ont été accusés de torturer des jeunes amis à une école. Ça, c'est complètement débile. Ça donne un peu un autre exemple. Là, on dit tout le temps monkey see, monkey do. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe. Donc les enfants ne sont pas tant à blâmer. Ok, donc des enfants âgés de 11 ans hein, qui s'embarquent dans des pratiques de torture de leurs jeunes amis à l'école. Okay, donc, on a des enfants qui commencent à imiter ce que nous on fait. Hein? Donc, vous avez l'Angleterre, les États-Unis, le Canada a participé à ça aussi en remettant des prisonniers de guerre à ces deux pays-là de débiles mentales. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on lance un message à nos enfants, c'est « Allô les enfants, vous voyez, il y a certaines raisons pour lesquelles torturer est correct, hein? C'est acceptable. » Et après ça, on se demande comment ça se fait que nos enfants commencent à copier nos comportements. Quand vous avez une jeune victime de 9 ans qui a été torturée par ses jeunes amis qui étaient âgés de 9 à 11 ans, on est tous scandalisés. Mes chers amis, nos enfants, écoutez, ils apprennent de l'exemple de nos leaders. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si on veut que nos enfants aient des vertus et puis des valeurs un peu plus mieux centrées, ben peut-être qu'il serait temps qu'on commence à reprendre en main aussi notre gouvernement et puis les choses qu'on fait aussi. Là, à un moment donné, il y a une question de logique là-dedans. Il y a aussi l'OTAN qui a donné son soutien aux États-Unis pour escalader la guerre en Asie centrale. Donc, vous voyez encore le but de l'OTAN ici, qui est carrément de jouer son rôle de bras militaire à l'axe anglo-saxon pour contrôler la planète. Et vous avez évidemment ces politiques-là de vouloir contrôler ce qui se passe en Europe de l'Est pour aussi ensuite entourer la Russie puis la Chine. Donc, vous avez aussi au Pentagone différents clans qui s'opposent en ce moment, à savoir comment qu'on va transformer la machine militaire américaine, à savoir si on va en faire une machine pour faire face à la prochaine guerre qui est envisagée contre la Chine et puis la Russie. Puis ça, c'est pas des jokes que je vous fais, c'est vraiment des discussions qu'on a au Pentagone. Ou à savoir si on va transformer une partie de cette armée, de cette puissante machine militaire-là, en une opération capable de faire, si vous voulez, la répression, pour essayer d'opprimer les différentes cellules de résistance dans différents pays, donc de contre-insurgence. Donc, c'est un peu là où c'est qu'on est en train de s'en aller avec ça. Donc, vous avez aussi, là, évidemment, Obama qui n'est pas loin d'arrêter la guerre contre le terrorisme, ne fait que lui donner un nouveau nom, mais finalement, lui donne beaucoup d'expansion. Une autre nouvelle absolument troublante cette semaine, c'est le marché noir d'armes nucléaires. Il y a un homme qui est dans le business du marché noir d'armes nucléaires en Europe de l'Est et puis qui est raconté dans une petite histoire que vous allez trouver dans une vidéo que j'ai postée sur les nouvelles internationales. C'est une histoire qui est véritable et puis qui est assez épouvantable. Donc, vous savez, on n'arrête pas de nous faire peur avec l'Al-Qaïda ou Bin Laden. Alors qu'en réalité, à peu près n'importe qui peut se procurer une bombe nucléaire ou une bombe sale nucléaire sur le marché noir, seulement qu'en Europe de l'Est. Donc, comment se fait-il que les grands médias corporatifs ne sont pas sur cette affaire, alors que des journalistes à petit budget peuvent nous rapporter cette nouvelle et même trouver un de ces personnages qui opère dans le marché noir d'armes nucléaires? Voilà une nouvelle des plus inquiétantes à plusieurs niveaux. Allez consulter ce petit dossier-là. Chers amis, c'est là où on en est. Je veux dire, on essaie de vous faire peur avec un paquet d'affaires et puis vous avez des histoires qui se passent comme ça. Vous pouvez aller acheter des bombes nucléaires si vous avez des bonnes connexions. Assez facile pour des journalistes là, avec des petits budgets trouvés. Donc, j'imagine assez facile pour n'importe qui pour s'en procurer. Et on s'occupe pas de ça. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, je veux dire, il faut traiter les gens qui voyagent par avion comme tous des terroristes et puis les fouiller, leur demander d'enlever leurs souliers, les passer dans un scanner 360 degrés qui vous montre leur corps complètement nu. Donc, ça, c'est des nouvelles assez spéciales. Et après ça, on vient vous épeurer avec la Corée du Nord qui envoie un satellite dans l'espace. Et ça, c'est encore une nouvelle là, qui a fait rage la semaine passée, alors que la Corée du Nord avait supposément testé des nouveaux missiles, alors que vous avez même des confirmations de la part des Russes que les Nord-Coréens ont essayé de mettre en place un satellite, donc en orbite autour de la Terre. Et puis, selon les nouvelles de la Russie, on l'aurait fait. Et puis, vous avez d'autres rapports, d'autres nouvelles qui disent que le missile n'a pas fonctionné et puis est tombé dans l'eau. Donc, je ne sais pas c'est quoi qui est la vérité là-dessus. Sauf que ce qui est certain, c'est que le missile se soit rendu et puis a mis son satellite en orbite ou qu'il soit tombé dans l'eau, c'est qu'il n'y a aucune menace de la part de la Corée du Nord, alors que vous avez les États-Unis qui ont ravagé l'Irak et puis l'Afghanistan en tuant au-dessus d'un million de personnes en Irak. Et vous avez Israël qui possède des bombes nucléaires de façon clandestine aux 200 têtes nucléaires. Et ça, on s'en préoccupe pas. Ça, c'est pas grave. Vous pouvez acheter des bombes nucléaires sur le marché noir en Europe de l'Est. Ça, c'est pas grave. Mais par contre, vous avez Obama qui va aller se plaindre au Conseil de sécurité de l'ONU pour essayer de démoniser la Corée du Nord, qui est absolument encerclée, qui est isolée carrément par ces gens-là. Donc, c'est encore une autre histoire de deux poids, deux mesures. C'est vraiment là l'espèce de politique dans laquelle nous on vit puis qu'on nous présente comme étant la seule logique. Et après ça, on espère que vous allez croire leur version de tous les événements importants du siècle et des années passées, comme le 9-1 aussi. Donc, voilà, c'est là où on en est, quoi. Il faut absolument être, je dirais, schizophrénique et débile mental pour penser que le gouvernement a pu nous raconter la vérité sur le 9-1 et puis nous mentir autant par la suite, avant et après. Donc, ben oui, c'est ça. Croyez que c'est Bin Laden qui a ingénéré toute cette histoire-là des attaques sur le 9-1, t'sais, que ces tours-là se sont écrasés à cause que des avions se sont écrasés dedans et puis qu'un autre bâtiment qui a eu que des feux mineurs et puis des dommages à l'enveloppe extérieure puis s'écroulait à la vitesse de la chute libre dans le chemin de plus haute résistance structurelle. Donc, ben oui, c'est ça. Continuons à croire des affaires comme ça. Je veux dire, c'est vraiment des croyances alors qu'on a des preuves scientifiques maintenant. Ben, qu'est-ce que vous voulez, les gens? Ils sont irrationnels quand ils sont convaincus que les gouvernements ne veulent que leur bien et puis que des affaires comme ça sont impossibles. Ce serait impossible qu'on aurait eu des bombes et puis des produits incendiaires comme de la termite dans les World Trade Center pour les faire s'écrouler puis en faire une false flag terror attack. Donc, c'est là où on en est, des gens qui sont capables de tomber dans je dirais, un état mental scindé. Okay, donc, ça devient un peu une maladie mentale pour essayer de refuser la réalité. Okay, donc, c'est plus facile d'attaquer les gens et les accuser de conspirationnistes au lieu de simplement regarder avec des yeux objectifs, un peu comme les 650 architectes et ingénieurs qui vous disent que voyons donc, esti, des tours, ça s'écroule pas de même, OK? Je veux dire, faites un mécano là, de métal, vous savez, les jeux mécano là, avec les petites barres, avec des percées là, en métal, et puis montez ça, là, ou ben non, prenez votre barbecue, aspergez-le de gaz d'avion, là, partez ça en feu, là, hein, maintenez ça bien chaud pendant une couple d'heures, puis après ça, venez montrer les photos des restes, là, voir ça s'est écroulé, puis ça a fondu à vitesse, hein, ou que ça s'est fait dans les tours du World Trade Center, puis s'écrouler à la vitesse de la chute libre, de façon complètement symétriques dans leurs traces. Ben oui, faites le test hein, pour le fun, OK? Essayez de pulvériser du béton, essayez de pulvériser, je dis pulvériser, là, recherchez la définition du mot dans le dictionnaire, OK? Pulvériser de l'acier structurel, faire fondre du béton, je dis fondre du béton, OK? Donc, vous avez du béton qui se retrouve à l'état de lave, OK? Essayez de faire ça avec du gaz d'avion, juste pour le fun, OK? Essayez, faire des tests, et puis essayez de vous convaincre que vous êtes capable de faire vaporiser en fine poussière de l'ordre de petits microns, OK? 90 000 tonnes de béton et d'acier. Essayez, essayez pour le fun, OK? une autre nouvelle des plus troublantes, il y a quelques semaines, il y a eu une attaque au Soudan qui a été perpétrée par des avions israéliens. Donc, absolument débile. Vous n'avez même pas entendu parler de ça dans les nouvelles. Ben oui, des avions d'attaque israéliens qui sont allés se payer un petit voyage au-dessus du territoire soudanais et ont droppé des bombes carrément sur le pays. On a tué, évidemment, des personnes. Et après ça, vous allez me dire qui est la menace au Moyen-Orient, hein, que la menace provient de l'Iran. Ben oui, ben oui, ben oui. L'Iran qui n'a pas attaqué aucun pays, n'a pas envahi aucun pays dans les 200 dernières années. Et alors que vous avez Israël qui a attaqué et puis tué des personnes au Liban, en Palestine, au Soudan. Et après ça, on va se poser la question de qui est le pays voyou au Moyen-Orient, en essayant de vous faire croire que c'est l'Iran ou ben non les autres pays. Ben oui, Israël qui s'en va attaquer le Soudan avec des avions de guerre. Hein? Fantastique de voir ça. En Irlande, on a annoncé un budget d'urgence et puis la façon de laquelle on va essayer de colmater les manques de revenus du gouvernement, c'est en montant les taxes. Alors, vous avez les gens qui sont pris dans des dettes astronomiques, les gens n'arrivent plus, on a un problème d'insolvabilité. Et comment qu'on va régler ces problèmes-là de la part du gouvernement? En montant les taxes. Et puis ça, c'est de quoi qui est pareil aux États-Unis puis dans plusieurs autres pays. Vous allez voir cette fantastique façon-là de vouloir régler les revenus des États, des provinces et puis des pays en montant les taxes, en donnant plus de tickets de route, de contraventions, de toutes sortes, en partant tout simplement de nouvelles taxes. Mais ben, vous savez, il y a des peuples qui ont plus de couilles que nous. Vous savez, en Thaïlande, ça brasse en maudit. Là, il y a même l'armée qui a été envoyée dans les rues pour essayer d'opprimer, d'écraser cette révolte sociale-là des Thaïlandais qui en ont marre de la corruption qui se propage partout à la grandeur du gouvernement. Et il y a aussi des manifestants en Moldavie qui ont renversé leur parlement. Donc, vous voyez encore des gens qui ont pas mal plus de couilles que nous. Vous avez, nous ici, des gouvernements qui ne sont même plus représentatifs de la population, qui ne répondent plus de la volonté du peuple, qui prennent notre argent, qui la donnent aux banquiers privés pour qu'eux puissent nous la repasser avec intérêt. On donne des milliards par-ci, par-là, des grands banquiers, alors qu'on sauve même pas les petites entreprises et puis les gens qui perdent leur maison. Mais c'est pas grave, nous, on dort au gaz. Et alors que dans plusieurs autres pays du monde, les gens se révoltent. Il y a aussi la CIA qui a annoncé cette semaine qu'ils vont arrêter de donner des contrats privés pour la torture de différents terroristes suspects. Et on va aussi fermer différentes prisons secrètes et de centres de détention. Ben, c'est évidemment que de la façade. Donc, ça laisse à croire, ça vient, c'est un aveu, tout simplement, provenant du directeur de la CIA, Leon Panetta, qui raconte clairement dans les médias que les États-Unis, la CIA, a donné des contrats de torture à des entreprises privées. Et là, on vient se nettoyer les mains en public en disant que là, on va arrêter ces contrats-là. Mais on se pose la question, est-ce que ça va réellement s'arrêter ou simplement être donné un contrat à d'autres pays du monde qui pratiquent la torture? Alors ça, c'est un autre dossier à suivre. Une autre nouvelle capotée aux États-Unis, vous savez, la TSC, cette firme de sécurité dans les aéroports, qui ont arrêté un personnage qui s'appelle Steve Burfield un peu plus tôt la semaine passée. Et on l'a arrêté, pourquoi? Parce qu'apparemment que le monsieur transportait trop d'argent cash sur lui. On a déclaré dans les manuels de la TSC que des potentiels terroristes transportent beaucoup d'argent. Alors, on a décidé d'arrêter ce personnage-là. On l'a mis en prison pendant un certain temps pour la seule raison qu'il transportait trop d'argent. Alors, on se demande encore là comment que ces maudissants dessins-là opèrent. Hein, quand on pense que les États-Unis donnent des services à des différents pays pour se bâtir des bombes nucléaires, ces gens-là qui mènent des guerres illégales dans différents pays, et puis là, on vient vous arrêter comme ça en passant à l'aéroport parce que vous avez trop d'argent, alors que ce n'est pas du tout, hein, mais alors, c'est vraiment pas dans le business du gouvernement de décider combien d'argent vous pouvez transporter sur vous et pourquoi. Je veux dire, voilà encore un gouvernement qui devient de plus en plus insidieux, qui s'immisce dans nos vies privées, puis qui prétend être le gérant moral de nos vies, qui va nous dicter comment vivre nos vies, puis qu'est-ce qui est acceptable et puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, un autre exemple d'État policier de gouvernement qui a beaucoup trop de pouvoir, qui s'abroge de tous les pouvoirs sur nos vies. Il y a aussi le NYPD qui va mettre un paquet de caméras capable de lire les plaques d'immatriculation des véhicules et aussi être capable de lire différents niveaux de radiation et puis différents scanners qu'on appelle des bioscanners. Alors, voyez encore plus de paranoïa qui s'installe. Et dans une autre nouvelle, on apprend qu'on veut équiper les voitures futures de boîtes noires, un peu comme celle des avions, qui va traquer toutes vos allées et venues, tout votre kilométrage par GPS, savoir même où vous êtes allé exactement, ce qui devrait rendre les caméras de surveillance inutiles, les fameuses caméras là, qui mesurent votre vitesse. Donc encore là, alors encore plus de technologies qui vont être capables de laisser le gouvernement savoir où vous vous trouvez et puis à n'importe quel moment. Donc ça, c'est de quoi de plus qu'on veut amener pour votre sécurité, apparemment votre sécurité, hein, ben ouais. Et puis on va sûrement se servir de ça encore plus pour vous taxer de différentes affaires. Ensuite, l'administration Obama qui tranquillement donne de l'expansion aux différents programmes d'écoute de surveillance des Américains. Obama qui avait promis de fermer tous ces fameux programmes d'espionnage des Américains, mais au lieu de les fermer, continue de les justifier encore plus et va leur donner de l'expansion. Donc, voyez encore plus de raisons de croire qu'Obama n'est que la continuité et en expansion de ce qu'était l'administration Bush. Il y a même eu des barrages qui ont été montés au Tennessee, okay, donc qui violent le posse comitatus et puis le quatrième amendement des États-Unis. Alors, il y a la police de cet État-là qui a collaboré avec le Homeland Security pour monter des barrages routiers. C'est en train de vous habituer comme ça tranquillement à être de bons esclaves dociles et puis à être fouillés, donc à être brimés dans vos droits. Les Américains ont été aussi dénoncés pour être des terroristes. Donc, vous avez Obama qui est en train de pousser pour que différents immigrants, donc on parle d'environ 20 millions d'immigrants illégaux, soient légalisés par la loi. Mais par contre, on est en train de, si vous voulez, de criminaliser, on est en train de répertorier un bon segment de la population des États-Unis comme étant des terroristes simplement parce que ce sont des gens qui sont des dissidents et puis qui sont des critiques de l'administration Obama. Alors qu'on essaie de les peindre comme des extrémistes, des anti-gouvernements. Donc, vous allez voir de plus en plus de nouvelles comme ça dans les médias où on essaie de présenter des protestants et puis des dissidents totalement légitimes comme étant des extrémistes anti-gouvernements penchant sur le terroriste. Alors, ça, c'est des constantes, ça va être des patterns à observer dans les prochains temps. Il y a, dans d'autres nouvelles, un homme de l'Ohio, un homme assez âgé, là, au-dessus de 80 ans, qui a travaillé dans un des camps de concentration en Allemagne dans le temps des nazis. Et puis, cet homme-là a déjà été poursuivi par les forces sionistes d'Israël pour essayer de le lier. On a essayé de convaincre le monde que cette personne-là était Ivan le Terrible. Et suite à des preuves incontrovertibles, on a réussi à démontrer en cour, alors que ce gars-là était pour être prononcé à la peine de mort en 88, que finalement, ce gars-là ne l'était pas. Donc, on a des preuves incontrovertibles que cette personne-là n'avait rien à voir avec Ivan le Terrible et puis n'avait pas été instrument à l'extermination de qui que ce soit dans les camps de concentration. Et il ne faisait que nourrir un des chiens qui s'y trouvait. Imaginez, c'était l'homme qui nourrissait un des chiens sur le camp de concentration qui a été employé pour ça. Et là, maintenant, on essaye de l'amener en Allemagne pour le traîner en cour pour avoir participé à la machine nazie. Donc, c'est complètement débile. Alors, pourquoi toute cette grosse histoire-là pour essayer d'arracher un homme de 89 ans de sa chaise roulante pour l'amener en Allemagne, pour supposément avoir été un garde d'un camp de la mort nazie? Eh bien, c'est encore d'autres façons, si vous voulez, que les sionistes de l'État d'Israël essayent d'employer pour démoniser tout le monde, pour essayer d'effacer la mauvaise publicité qu'ils se sont donnée durant l'attaque sauvage de la bande de Gaza. Donc, il y a Israël qui a perdu la face là, de façon totale depuis que cette fameuse attaque barbare s'est faite au mois de décembre et janvier dernier contre la bande de Gaza. On a utilisé des armes chimiques comme le phosphore blanc. On a tué des centaines d'enfants. Et puis, l'image de victimes d'Israël a été déchirée puis mise en pièces. Et vous avez évidemment tous ces gens-là qui sont à la tête de l'État d'Israël, qui ne s'entendaient pas à une chute, si vous voulez, de leur image comme ça, et puis de leur légitimité. Et puis, ce qui arrive, c'est que vous avez eu beaucoup de boycotts qui se sont mis en place à travers la planète. Et on parle probablement de baisse d'autour de 25% des exportations israéliennes depuis. Donc, on s'aperçoit qu'évidemment, qu'il va y avoir des conséquences, que maintenant, Israël ne peut plus se cacher derrière le paravent de l'antisémitisme pour cacher ses actes de guerre et puis ses actes criminels. Donc, on essaye de rebrandir l'épouvantail des nazis et puis de l'éventail de l'Holocauste pour essayer de vous faire... pleurer, quoi, pour vous faire sentir coupable, mal d'être critique des politiques actuelles d'Israël qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé au milieu du siècle dernier et surtout encore moins avec un homme de 89 ans qui nourrissait un chien, OK? Donc, ça, c'est des nouvelles aussi assez importantes à consulter. Et puis, ça va sûrement faire aussi l'affaire du gouvernement américain qui, maintenant, va être poursuivi par la Cour espagnole pour ses crimes de guerre, de torture. Toutes des bonnes façons, justement, pour détourner l'attention. Il y a aussi M. Soros, hein, vous savez, George Soros, qui est un des plus riches de la planète, qui a été condamné par une cour en Europe à payer une amende record pour avoir manipulé les marchés financiers. Donc, M. Soros qui écrit un livre, justement, pour dénoncer la manipulation qui se passe sur les marchés en disant qu'il était bien scandalisé de voir ça. Et puis maintenant, il a été... condamné par une cour hongroise pour avoir manipulé lui-même les marchés financiers. Le Venezuela se prépare à un effondrement de l'économie américaine et a conclu avec la Chine des accords financiers puis pétroliers très importants. Maintenant, le Venezuela qui a promis d'augmenter les exportations vers la Chine de pétrole à 1 million de barils par jour à partir de l'année prochaine. Il y a aussi l'Argentine qui a signé un accord très important avec la Chine, qui se sont mis d'accord pour importer et puis échanger des produits avec leur monnaie respective sans passer par le dollar américain. Il y a aussi, malheureusement, du côté du Venezuela, M. Chavez, qui a déclaré dans les médias, en étant aussi en Chine, qu'on est en train d'instaurer un nouvel ordre mondial, et puis qui est en train de travailler à la venue de ce nouvel ordre mondial. Donc, je ne sais pas s'il parle à propos du même nouvel ordre mondial que les Bush et puis tous les autres pays d'Europe ont parlé très récemment. Ça se pourrait que ça soit le cas, ça se pourrait qu'il parle d'autres choses, parce que M. Chavez parle justement de l'écroulement de l'Empire américain, mais il est très possible aussi que M. Chavez soit impliqué dans toute cette histoire-là. Donc, une nouvelle à suivre. Il y a aussi les histoires au large de la Somalie, l'histoire de pirates qui détournent les bateaux. Vous avez sûrement entendu parler de ça dans les nouvelles. Et ce qui n'est pas rapporté, par contre, dans les médias, c'est qu'il y a plusieurs bateaux européens qui viennent déverser leurs déchets nucléaires et puis d'autres différents déchets dans les eaux territoriales de la Somalie depuis que le gouvernement somalien s'est écroulé il y a plusieurs années maintenant. Donc, on a, si vous voulez, un genre de vide juridique dans la région et puis on en profite pour aller domper carrément les différents déchets qu'on n'a pas nulle part pour éliminer. Et puis, vous avez aussi apparemment des déchets nucléaires qui sont déversés dans les eaux territoriales de la Somalie. Alors, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains pirates, qui sont des pirates seulement parce qu'ils sont appelés comme ça, mais probablement des Somaliens qui sont en furie et qui essayent d'arrêter justement ces déversements illégaux-là qui se font et puis qui viennent contaminer leurs sources de nourriture et qui viennent aussi, vous savez, plusieurs bateaux européens qui viennent dans la région pour pêcher le stock qui appartient aux Somaliens, tout simplement. Donc, c'est illégal et puis on n'a pas aucune armée, on n'a pas aucun pouvoir pour essayer de faire appliquer la loi. Donc, c'est peut-être l'autre facette des Somaliens qui n'est pas présentée dans cette histoire des pirates-là. Il y a aussi la Maison Blanche qui a été menacée d'être attaquée par les talibans, et une autre joke complètement farfelu, comme quoi que les talibans auraient promis d'attaquer d'attaquer les États-Unis et puis de vraiment là surprendre le monde. Une autre dose de si vous voulez de faux terrorisme, hein? Donc vous avez ce genre-là, cette personne-là qui aurait déclaré cette nouvelle-là, qui serait mort depuis au moins 6 mois. Okay, donc, ça, c'est un peu comme les fameuses vidéos de Bin Laden qu'on vous présente encore à chaque année, alors que l'homme est mort depuis plusieurs années. Donc, ça vous donne un peu une autre idée de comment on vous manipule dans les grands médias. Donc voilà, chers auditeurs, c'est ce qui va mettre fin à l'émission de cette semaine. On va se retrouver la semaine prochaine avec un exposé plus complet sur le Moyen-Orient, et puis on va aussi attaquer le dossier de la santé et quelques nouvelles importantes de l'économie pour encore plus comprendre dans quel bain on se trouve. Alors, on se quitte sur cela. On se retrouve très bientôt. Je vous salue bien bas. C'était François Marchena pour L'Autre Monde. Au revoir.